Section 76 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 76, Les amours de Gilles, livre 3e, Gilles. Par Louis Morin. Chapitre 1er. Mascarade. C'était le carnaval à Venise. 40 000 masques allaient et venaient sur la place Saint-Marc, sur la Piazzetta, sous les Procurati, tout le long du quai des Esclavons. Pour 6 mois, la ville était la capitale du royaume de la folie. Il y avait tous les vieux masques des siècles passés. Les pantalons, roi de la mascarade, qui allait de droite et de gauche, donnant des conseils stupides, disant d'un air profond des vérités évidentes. Les Brighella, plus fourbes que les Scapins, et qui, ne pouvant plus donner, comme leurs ancêtres, des coups de stylet, donnaient des coups de langue, lançaient des lazzi empoisonnés. Les matassins, vêtus de blanc, chaussés de rouge, et jetant aux patriciennes, avec une fronde de soie, des œufs remplis d'eau de senteur. Les pulcinelles qui s'en allaient avec une pirouette, laissant dans l'oreille des gens le cri suraigu de leur pratique, pendant que la glissade des arlequins leur mettait dans les yeux l'éclair d'un pailletage. Les Cassandres qui demandaient leur colombine à tout le monde, comme si tout le monde était l'amant de la fillette volage. Les mezzetins, en habits rayés rouges et blancs, et les Scapins, en bleu et blanc, barrés de brandebourgs, qui cherchaient des amours ou des affaires suspectes pour s'entremettre. Les narcissins de Malalbergo, champêtres coiffés à la paysanne, qui moralisaient et disaient des vérités d'une manière prudente et sans faire de personnalité, de peur des mauvais coups. Les scaramouches qui offraient la bataille aux gens et s'enfuyaient quand on l'acceptait. Les pasquins tendrement occupés de leur ventre et de leur bourse. Les couvielles dansant et chantant, la plume au serre-tête. Les tartaglia, pédants qui fourraient leurs lunettes où ils n'avaient que faire. Les truffaldins qui parlaient de leur généalogie. Les capitans qui, la moustache en croque, la main sur leur rapière, élevaient jusqu'au ciel l'araignée qui filait sa toile à la pointe du fourreau et se retournaient pour voir si personne ne marchait dans leur ombre, à la rencontre des Guiangurgolo. Les deux héros se toisaient, se foudroyaient du regard et passaient. Les Pedrolino et les Piero, muets comme la potence, pâles comme la lune, qui grimaçaient quelque temps devant les passants et s'enfuyaient tout à coup, pris d'alarme inexpliquée. Enfin, les Lelio, les Ottavio, les Orazio et les Leandre, qui prenaient des pauses, poussaient des soupirs et cherchaient des yeux, les yeux des belles filles. En tous ces masques, qui étaient comme les revenants de la joie plus franche, plus vive et plus colorée d'autrefois, s'agitaient au milieu du peuple immense des masques noirs, des uniformes masques noirs au musée blanc sous lequel l'intrigue du siècle cachait ses amours mystérieuses. Noirs étaient les tricornes avec un filet d'argent. Noir, la bahutée de blonde et noir, le tabarot. Et quant au demi-masque blanc, à quoi bon l'interroger? Il était impassible et muet comme la mort. À peine, entre les paupières teintées de rose, l'éclair de deux yeux moqueurs. À peine, sous le camail entr'ouvert des donnes, un vague reflet de chair rose. Et noir aussi, toute noire, étaient les gondoles qui apportaient et remportaient ce peuple d'ombre. Le drap de leur felse tombait à plis lourds. Elles allaient, muettes, fermées sur l'eau bleue, sous le gai soleil, disant que ceux qui étaient là-dedans voulaient être morts au reste du monde, et comme ensevelis dans leur amour. les gens qui n'étaient point masqués allaient sur le môle et sur le quai des esclavons pour voir les baladins, les bateleurs, les montreurs de bêtes féroces et les acrobates. Il y avait de gros bourgeois, le tricorne sur la nuque, sur les épaules le manteau rouge. Des gondoliers en livrée avec leurs bonnets à l'albanaise et leurs larges culottes brodées. Des fillettes du peuple qui encadraient joliment leur visage mutin dans le zandaletto, le voile qui leur couvrait la tête et se croisait sur la poitrine. Des contadines des environs, avec d'éclatants costumes et des auréoles d'épingles sur la tête. Il y avait des soldats, dalmates, aux costumes barbares. Des juifs qui portaient un bonnet jaune et pendu au cou la lettre O. Des Levantins et des Turcs chevaliers de la Lune. Des gardes de la Maestranza, des Furlanes en costume campagnard. Des patriciens en robe coiffée de la grande perruque blanche. Les uns consultaient la devineresse, qui leur répondait mystérieusement au bout d'un cornet après avoir consulté ses livres d'astrologie. Les autres regardaient danser la fourlane ou la monfrine. D'autres prenaient des billets pour la loterie. Il y en avait qui mangeaient des beignets que fabriquaient les fritellara. Et il y en avait qui s'asseyaient pour prendre des glaces ou de la malvoisie à la porte des malvoisies. Des guinguettes qu'annonçait une lanterne en guirlandais. Gilles, Pietro, se promenait au milieu de tout ce monde, curieux de ces choses qui étaient celles de sa patrie et qu'il ne connaissait point. Il avait quitté Venise tout enfant, à la mort de ses parents, et il était resté chez son oncle jusqu'au moment où il avait pu suivre les cours de l'université de Padoue. De Padoue, il était venu à Venise quelquefois, mais point à l'époque du carnaval. Il se promenait donc dans la ville comme un étranger, ignorant et ignoré. Ignoré, bien heureusement. Quel noble eût voulu, dans le Gilles de la troupe nouvellement débarquée, reconnaître l'un de ses pères. Les Barnabotti eux-mêmes, ces pauvres nobles dégradés qui vivaient du jeu et que leur disgrâce poussait souvent aux concessions les plus humiliantes, eussent dédaigné d'admettre parmi eux, autrement que par hasard en passant, l'un de ces comédiens que les inquisiteurs d'État déclaraient être des personnes en haine à Dieu. Pourquoi alors ne quittait-il pas la troupe? Que ne courait-il dans la petite cure campagnarde, se jeter aux genoux de son oncle? Ah, c'est qu'il aimait le théâtre maintenant. Les applaudissements qui enivrent font désirer de goûter encore leurs délices et retiennent pour toute la vie. Et Gilles, tant applaudi à Florence, avait été fort bien accueilli par le public vénitien. Le sentiment de l'art s'était éveillé en lui. Son cœur, vide d'amour, avait été rempli par une autre passion. Tout un monde de joie inconnue lui était apparu, et la trouvaille de ces vives émotions intellectuelles qu'il n'avait pas encore soupçonnées avait compensé la perte de ses plaisirs sensuels. Vraiment, il oubliait Séraphine, ou du moins son regret n'avait plus d'amertume. Et puis, il y avait l'esclandre de Padoue, la conduite de la révolte, le blâme du syndic, les poursuites du gouvernement, la fuite avec une comédienne. Il savait bien que cela pèserait sur toute sa vie, qu'il était déshonoré aux yeux de son oncle. Il ne voulait pas avoir honte devant lui, lui donner cette douleur et la subir. À Venise, il était libre, il se donnerait comme Florentin. Il pensait bien que l'ordre de l'arrêter était oublié. Du reste, on ne demandait point aux acteurs d'où ils venaient et où ils allaient. C'étaient des gens sans conséquence pour la tranquillité de la sérénissime. En flânant parmi les masques, Gilles rencontra ses deux amis, Pulcinelle et le docteur. Ils étaient en habit de théâtre et étonnaient les passants par leur discours macaronique. « Vénitien, disait Pulcinelle, homme pâle vêtu de noir, qui êtes plus gai que vous n'en avez l'air. Vous voyez devant vous un homme de Naples qui a blanc ce que vous avez noir, et noir ce que vous avez blanc. » Il montrait son masque et ses vêtements. « Vénitien, disait le docteur, je suis Baluardo Grazian, de Bologne, membre de l'Académie della Crusca. Je sais tout. Je sais pourquoi vous avez le visage si blanc. C'est l'amour. Et pourquoi les paupières si rouges? C'est l'amour. » Gilles les interrompit. Ils le prirent bras dessus, bras dessous, au milieu d'eux, et le docteur reprit, s'adressant au masque qui passait. « Voici un jeune homme qui est fou et que nous conduisons à l'hôpital. Voyez de quel costume il s'est affublé. Il a un habit à la française, un chapeau noir, une perruque poudrée, une veste de satin, des culottes, des bas de soie et des souliers à boucles. Il a le visage découvert. Il n'a emprunté la figure de personne. Il ne crie pas. Il ne fait pas de culbute. Vous voyez bien que c'est un homme qui ne fait rien comme les autres. C'est un fou. C'est un fou. » Et il se mit à chanter le refrain d'une chanson populaire. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont les rois. Mais dans le royaume des fous, les sages sont les fous. Ils s'en allèrent à la piazzetta. Ils prirent une gondole découverte. La nuit approchait. Dans le ciel, au couchant, des nuages violets que le soleil colorait de teintes diverses couraient par bandes, comme les personnages d'une grande mascarade céleste, tandis qu'au levant montait la nuit violette, où les étoiles s'allumaient déjà pour la fête de la nuit. Ils suivirent le grand canal. Les palais étaient pavoisés de riches étoffes, enguirlandées de fleurs. Au balcon, des masques étaient accoudés et jetaient des fleurs et des paroles aux péotes qui passaient, promenant des musiques et des chants. Et sur les petites vagues qui clapotaient au vent du soir, dansait le ciel, dansaient les nuages violets, les étoiles, dansaient les palais, les draps de pourpre et d'or, les guirlandes et les masques accoudés et les péotes passantes. Et cette danse sautillante était comme la joie des choses se mêlant à la joie des hommes. Fin de la section 76, lue par Agnès Aubi, 2024.